J'suis dans la soirée, le camion le plus beau. Tout le monde a fumé, et bu un verre de trop. Sur la piste des gains quelque part, je m'y souffert torse angora. J'suis défoncé si tu m'aimes, prends-moi en l'état. On voulait juste quitter la terre, s'évader un peu dans l'idée. Tant qu'on s'éclate la tête à mort, en vrai pour moi c'est validé. Comme à l'idée, on me reconnaît, j'suis un gros bonnet au bel état. Toutes les filles sont maladroites, elles font que tomber dans mes bras. Tous les soirs j'fume la queue, j'ai la toco qui, attention y'a des keufs. Cache le potion de weed, ils sont là pour le buzz. Tant pis, j'reste dans mon délire, c'est l'histoire de ma vie. Tous les soirs j'fume la queue, j'ai la toco qui, attention y'a des keufs. Cache le potion de weed, ils sont là pour le buzz. Tant pis, j'reste dans mon délire, c'est l'histoire de ma vie. La gueule, pétasse avec ça qui me couche. Terroriste sur les photos, toujours un pétard à la bouche. Fini toujours allumé, et je régale toujours tous mes gars. J'ai fumé le poids d'un nouveau-né, ouais c'est Tony Corrida. Soto Tony Corrida, fais danser ta soeur tes cousines. Genre une reprise de Cascada, plutôt que t'as fait à l'usine. Ouais, ouais. Non mais j'hallucine, piscine dans la limousine. J'fume tous les soirs et la journée aussi. Tous les soirs j'fume la queue. J'ai la toco qui, attention y'a des keufs. Cache le potion de weed, ils sont là pour le buzz. Tant pis, j'reste dans mon délire, c'est l'histoire de ma vie. Tous les soirs j'fume la queue. J'ai la toco qui, attention y'a des keufs. Cache le potion de weed, ils sont là pour le buzz. Tant pis, j'reste dans mon délire, c'est l'histoire de ma vie. Tous les soirs j'fume la queue. La peuple attend.